près de moi, j'aime la vie. Car avec toi, à chaque fois, c'est la folie. Je suis toujours émerveillé, tu m'éblouis. Car notre amour dure à toujours, c'est pour la vie. Quand je te vois, j'envie de toi toutes les nuits. Tu me rends fou, si fou, crois-moi que je te suis. Là où tu vas, tu entendras que je supplie. Reste avec moi dans mes bras, oh toi ma chérie. Je t'aime, je t'aime, plus que ma vie. Je t'aime, je t'aime, à la folie. Je t'aime, je t'aime, le jour, la nuit. Je t'aime, je t'aime, Dieu nous bénit. Quand je reviens comme chaque soir, on fait la fête. Pour travailler toute la journée, tu me quittes sans oublier de m'embrasser. Je t'aime, je t'aime, plus que ma vie. Je t'aime, je t'aime, à la folie. Je t'aime, je t'aime, le jour, la nuit. Je t'aime.